Chaque jour que levé, on monte sous d'eau. Sans arrêt, on va pas de moins mal. Ou t'es même continuer à parler. Ma travail même pas même temps de haut. C'est moi, c'est moi. C'est moi qui a toujours travaillé. C'est moi, c'est moi. C'est moi qui a fait belle bagaille. C'est moi. C'est moi qui a toujours travaillé. C'est moi. C'est moi qui a fait toujours bail. C'est moi. C'est moi qui a fait belle bagaille. C'est où? Voici ce qu'on parle, on parle. Bonne parler mon mal.